je ne dis rien. Pourquoi les mots sont de trop parfois? Pour exprimer, remplir les vides où se perd la foi que j'ai en ce monde. Silence, je m'égare. J'aimerais dire juste un mot rien que pour toi. Et juste après bien le vivre, le garder tout contre moi. Moi j'ai tellement d'envie, mais des silences parlent pour moi. Car je survis sans rien dire, pas un mot que des rêves. Tu vois comme cette étoile. Et savoure de brefs instants de silence. Écoute-la, cette plénitude des sens. Ici rien ne meurt, tu vois. D'ici rien ne part sans moi. Si l'avenir reste incertain, en silence je rêve à demain. Demain, en silence, je rêve à demain.